Ok, Tony. Si t'as une proposition, t'es parti sur quoi? Funk, rock, reggae, comme tu veux. Ce que tu veux, je suis. Tranquille. Si tu veux, on lance un beat dessus, quelque chose. Oh, ok. Ah non, non, non, j'ai pas du tout la voix de. Comment tu veux ça, c'est White Shed FL. Ah, mais là, je remarque que j'ai de la reverb, enfin que j'ai du délai chez moi. Je baisse mon délai là, et voilà. There's a way. C'est quoi? There's a way to shed a spell. There's a. Attends. J'écoute pour savoir à quoi ça ressemble ce truc. What a shed a spell. Ok. Juste un petit coup d'oreille là-dessus, là, et puis. The reason. Ah. 80, ok, pour 80. Il faut coller les accords aussi dessus, hein. Thank you. sur Bob là quand même. Thank you.